Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission, après avoir parlé du style d'animation dans les débuts du cinéma, nous allons parler aujourd'hui des techniques de dessin animé traditionnel, de son processus, des différents intervenants, de la rotoscopie, du succès international du dessin animé et de son industrialisation notamment, et ceci sera la quatrième et avant-dernière partie. Commençons sans plus attendre par les techniques de dessin animé traditionnel. Le dessin animé et le style d'animation ont connu plusieurs techniques depuis leur naissance et je vais en parler tout de suite en expliquant en quoi est-ce que ça consiste, ou plus globalement, pardon, ce que c'est. La première technique dont j'avais envie de parler est ce que nous appelons la règle à tenons. Pour réaliser un dessin animé, l'opérateur enregistre une image de chaque dessin représentant le personnage dans l'une des phases d'un mouvement décomposé en 16 ou 24 positions pour une seconde de film. Il effeuille une pile de dessins qu'il présente un par un devant l'objectif de la caméra, dans l'ordre chronologique du mouvement en question. Cependant, les premiers animateurs ont rapidement trouvé plus pratique de fixer la caméra au-dessus du plan de travail, filmant ainsi à la verticale. Ceci leur permettrait en effet de manipuler leurs dessins à plat sous l'objectif de prise de vue. Ils durent également résoudre un problème de positionnement des dessins au moment où ils les filmaient image par image. Un animateur canadien, Raoul Barré, né le 29 janvier 1874 à Montréal et décédé le 21 mai 1932, ainsi qu'un animateur américain, William Bill Nolan, mirent au point en 1912 un système efficace de repérage des dessins. La règle à tenons qui simplifia leur travail et qui est toujours utilisée aujourd'hui. Les feuilles de papier sont perforées en haut ou en bas du dessin. Ces mêmes perforations s'adaptent très exactement aux chevilles métalliques d'une règle fixée aussi bien sous la caméra que sur la table de l'animateur ou encore sur les postes des coloristes. Les dessins filmés n'ont donc pas tendance à flotter les uns par rapport aux autres et se superposent avec une énorme précision. Voyons maintenant ce que nous appelons le cellulo. Deux producteurs américains, John Randolph Bray et Earl Hurd, inventent en 1914 la technique du cellulo ou cell en anglais. Ils utilisent le même support transparent que le film 35 mm. Le nitrate de cellulose ou celluloïde sous la forme de feuilles, remplacé plus tard par un produit non inflammable, le triacétate de cellulose, le nitrate de cellulose étant très toxique et inflammable. Passons maintenant au processus. En quelques années, la fabrication de dessins animés se standardise autour des mêmes techniques. S'ajoutera bientôt la couleur. En 1920, Bray est le premier à présenter le film d'animation tourné avec une pellicule couleur. Ce film s'intitule The Debut of Thomas Cat. Le prix élevé des premiers procédés de couleur et leur chromatisme incomplet font que cet essai ne soit malheureusement pas repris par d'autres réalisateurs. Walt Disney passe alors un accord avec la société Technicolor en 1932 et réalise l'une de ses Silly Symphonies intitulée Des arbres et des fleurs, qui fut la première Silly Symphony du père de Mickey, sortie le 30 juillet 1932. Parlons maintenant du rôle de chaque intervenant sur un film d'animation, en commençant, bien sûr, par les animateurs. Sous la direction d'un réalisateur qui envisage l'ensemble d'un récit, les animateurs, appelés Key Animators, dessinent le projet au crayon sur du papier calque, dont la transparence leur permet d'animer, c'est-à-dire de déterminer les positions clés des personnages en action et d'indiquer le nombre de photogrammes à filmer, donc le nombre de dessins à produire en fonction de la vitesse désirée pour un seul mouvement. Les grosses productions comme Disney prévoient un animateur différent pour chaque personnage qui connaît ainsi par cœur le dessin et les mimiques de son personnage. Un autre animateur intervient ensuite, c'est l'intervalliste. L'intervalliste dessine les dessins intermédiaires entre chaque position clé. Les calques réalisés, je le rappelle au crayon, sont filmés image par image, ce qui permet de vérifier la qualité de l'animation et éventuellement de la corriger. Les calques définitivement acceptés sont alors confiés à des dessinateurs méticulés, appelés les cleaners, qui, munis de gants, reproduisent à l'encre de chine chaque dessin sur les cells. On obtient alors le layout, les contours des personnages, à raison de 16 ou 24 dessins par seconde. Les cellulos sont ensuite repris par les coloristes. Au XXe siècle, le métier de coloriste était exclusivement féminin, les femmes étant réputées pour être plus soigneuses que les hommes. Elles posent les gouaches sur leur envers afin de ne pas déborder sur le tracé à l'encre de chine. En général, pour éviter les manipulations hasardeuses, les coloristes sont nombreuses et chacune d'entre elles applique une seule couleur. le décor derrière le personnage est ensuite dessiné sur un seul et même exemplaire papier positionné ensuite et définitivement sous la pile des différents cellulos comportant les personnages. Les parties du décor qui doivent ou changer ou bouger ou être manipulées par les personnages sont en revanche absentes de l'arrière-plan et sont animées sous cellulos, au même titre que les personnages. Voyons désormais ce qu'est la rotoscopie. En 1915, Max Fleischer, né le 19 juillet 1883 à Cracovie en Pologne, est décédé le 11 septembre 1972 à Los Angeles et père des personnages comme Coco le Clown ou Betty Poop, a inventé un dispositif qui permet une grande précision dans l'animation des mouvements d'un personnage et un gain de temps important. Cet appareil s'appelle le rotoscope. Cet appareil projette par rétroprojection sur une vitre des poulies chaque image d'un film modèle. Mais qu'est-ce qu'un film modèle, me direz-vous ? Un film modèle est un film dans lequel un comédien en chair et en os, ou un animal, exécute les différentes positions standardisées d'un personnage appelé « model sheet » que l'animateur peut ainsi recopier sur les cellulos qu'il installe à part un à la règle à tenon fixe sur la vitre. Le dessin animé a donc logiquement atteint un succès international. Le dessinateur américain le plus célèbre du début du XXe siècle, Winsor McCrae, né le 26 septembre 1869 à Spring Lake, dans le Michigan, et est décédé le 26 juillet 1934 à Brooklyn, New York, et créateur de Little Nemo, se lance à son tour dans la réalisation de dessins animés et présente Gertie the Dinosaur en 1914, ou Gertie le Dinosaure. Le dessin animé est certainement la branche d'animation qui a connu le plus gros succès populaire, dû notamment à quelques animateurs de renommée mondiale, comme Tex Avery ou encore Walt Disney, auteur pour l'un de Droopy et de Daffy Duck, et pour l'autre de Mickey Mouse et de Donald Duck. En Europe également, on compte d'excellents auteurs de dessins animés, comme Julius Pinchever, Bruno Bozzetto, Jiri Trenka ou encore John Halas, qui ont repris d'autres directions que Tex Avery ou Walt Disney. Et ceci nous amène à la dernière partie de cette émission, l'industrialisation du dessin animé grâce au studio System et au long métrage. C'est un peu plus tard, au début du XXe siècle, que le studio System est développé aux USA par les frères Fleischer et par John Randolph Bray pour la production de dessins animés pour l'armée américaine. En effet, à la suite du naufrage du Lusitania, qui était un paquebot transatlantique britannique coulé par un sous-marin allemand, l'Amérique s'engage dans la Première Guerre mondiale. Il lui faut donc former très rapidement des soldats à diverses manœuvres. C'est alors que John Randolph Bray, avec l'aide des frères Fleischer, a l'idée d'utiliser l'animation pour accélérer cette formation militaire. Le principe est simple, diviser le travail en plusieurs sections indépendantes. Ainsi, au lieu de faire une animation en entier, chaque personne occupe un poste précis, animateur, cleaner, coloriste, caméraman, etc. Après la guerre, le studio Fleischer naît alors et va poursuivre l'aventure en produisant plusieurs films et séries d'animation. Coco le Clown, Betty Boop, Popeye, Superman. Les frères Fleischer seront les premiers à produire un long métrage intitulé Les Voyages de Gulliver. Concernant les longs métrages d'animation, les premiers furent créés en Argentine dès les années 1910 avec El Apostol en 1917 et Sin Dejar Rastros en 1918. En Europe, il a fallu attendre 1926 pour voir le premier long métrage d'animation avec Les Aventures du Prince Ahmed, réalisation allemande de Lotte Reiniger, utilisant la technique du papier découpé. L'URSS, elle, innova en 1935 avec le nouveau Gulliver, mêlant prise de vue réelle avec acteurs et marionnettes articulées, qui fut un succès international. L'URSS qui est, je le rappelle, l'ancêtre de la Russie. Deux ans plus tard, en 1937, le succès de ce long métrage, incita différents réalisateurs internationaux à animer des longs métrages. Die Sieben Raben, film de marionnettes allemand, Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney, puis le roman de renard de Ladislas Sterwich, réalisé en France. En Asie, le premier long métrage d'animation fut La Princesse à l'éventail de fer, sorti en 1941. C'est ainsi que se termine cette quatrième partie sur le style d'animation. Lors de la cinquième et dernière partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons des grands studios américains, de l'animation américaine, de l'explosion de la production japonaise, de la diversité des techniques dans le monde, de l'animation 3D, des séries télévisées, ainsi que du numérique et de son explosion. Comme toujours, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de la Cristoire du cinéma sur notre page Facebook Radio Gamozo, en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio. situé à l'adresse 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. Merci d'écouter Radio Gamozo. C'était Chris, prenez soin de vous. C'est bien sûr le plus important et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.